complète mon rallye, je pourrais faire des tonnes. J'ai pas écouté mon cœur, j'ai préféré mon cerveau. Même si tout va mal, je refuserai aucune photo. On a la meilleure puff, on a le meilleur tarot. J'ai voulu aller trop vite, on m'a dit que c'était trop tôt. Par ta gueule et agis, moi je trouve que tu causes trop. Elle m'offrirait leur boule si je leur propose un resto. J'ai préféré prendre, je recule et je me suis dit non, non. Moi je les comprends pas, je leur mettrai des baffes. Gros, je suis dans la barre, j'ai la barre. Quand je vois des bras passer à la barre, fais la guerre quand tu fais la fête. Dis-moi comment tu fais, tu lâches tes potes pour une paire de fesses. Si gosse c'est la merde. Et si tu pars, faut que tu restes brave dans les sales histoires. J'y revins, fais mes affaires le soir. Si je vois que le couvoir, faut le voir, le vent pour y croire. Au sol y'a du sang, je suis un solo disque d'or à l'adolescence. Mais t'as compris, la putain de ta mère, on est en indé. Pas d'amour, je me suis fait tout seul, personne m'a aidé. Dans le checker, à pépé dans la tête, je vais me balader. Ils veulent me tester en effet, ils sont malades. J'suis complètement râlé, je pourrais faire des tonnes. J'ai pas écouté mon cœur, j'ai préféré mon cerveau. Même si tout va mal, je refuserai aucune faute. On a la meilleure puff, on a le meilleur tarot. J'ai voulu aller trop vite, on m'a dit que c'était trop tôt. Pas ta gueule et agis, moi je trouve que tu causes trop. Elles m'offriraient leur boule si je leur propose un resto. J'ai préféré prendre, je recule et je me suis dit nana. Et je suis le même, toujours au fond du bac. Si tu parles, je prends deux balles comme Biggie et Tupac. Quand tu regardais, t'es les Tobies, on allait découper. Elle veut mon buzz, fais pas la bise, copie pas mes couplets. Et ouais, chaque fois je finis vite fait. Je regarde pas la vitesse, moi j'y dans la vitesse. Moi je veux rester discret, mais cette pute elle espère, on dirait qu'elle fait exprès. Je suis complètement ravi, je pourrais faire des tonnes. Non, non, non, non. Même si tout va moi, je refuserai aucune photo. Non, non, non, non. Je suis complètement ravi, je pourrais faire des tonnes. J'ai pas écouté mon cœur, j'ai préféré mon cerveau. Même si tout va mal, je refuserai aucune photo. On a la meilleure puff, on a le meilleur tarot. J'ai voulu aller trop vite, on m'a dit que c'était trop tôt. Va pas gueuler, agis, moi je trouve que tu causes trop. Elle m'offrirait leur boule si je leur propose un resto. J'ai préféré prendre, je recule et je me suis dit nana.